Je vous parle de mes kilomètres, pourquoi je me bats? Là est la question, va donc savoir pourquoi mon sourire a disparu, pourquoi mon caractère s'est endurci. À l'allure où vont les choses que du négatif, je reste très pensif. Comment comprendre, comment le prendre? Que devrais-je faire pour me défendre devant tant d'hypocrisie, tartinée de jalousie, vernis de sorcellerie? C'est triste pour une histoire de matérialiste, le mauvais œil. Quelqu'un qui serait prêt à tout pour te salir, rien que par habitude. Je leur mettrais bien deux tartes dans la bouche et hop, dedans. Mais comme la maîtrise me connaît, pas de temps à perdre pour ces miettes. Non, pas de temps. La vie est trop belle, elle est trop précieuse pour moi. J'ai la foi, je crois en moi. Et personne ne fera le travail à ma place, il en est hors de question. Et pour les vipères qui se perdent, se trompent de chemin, restez bien distants de moi. Je me bats pour vivre, pour survivre. Voilà pourquoi combat existe. Pas à pas, l'oiseau fait son nid. Ça a été dit, c'est écrit. Qui a dit ça? Qui a dit quoi? Fais gaffe à toi, te trompe pas de personne. La plaisanterie n'est pas mon deuxième nom. Pourquoi se battre? Pourquoi se battre? Si tu veux rester dans le noir, reste dans le noir. Moi je veux voir le jour. Si tu permets, on en parlera une prochaine fois. J'ai pas de temps à perdre. Pourquoi se battre? Pourquoi se battre? Je sors de mon parloir, dur de rester calme. Pourquoi se battre? Quand c'est moi qui en fais les frais, dur de rester cool. Pourquoi se battre? Quand c'est toi qui paye, mais quand c'est toi qui paye la casse, en fait. Pourquoi se battre? Pourquoi se battre? Je sors de mon parloir, dur de rester calme. Pourquoi se battre? Quand c'est moi qui en fais les frais, pas de regret pour nous. Pourquoi se battre? Tant que pour vous, nous serons que des pions, que des pions. Le temps s'est coulé. Rien n'a changé, à part que je suis ridé, fatigué. La montée du FN ne fait progresser. Mon côté, je suis grillé, depuis trop longtemps je vais pointer. Prochaine pour faire confiance, moi je dis trop noir pour se faire embaucher. Embrocher, en beauté, empilé dans les cités. Opter le système des gars pour se faire plus de blé, garçon. Tombe dans la spirale, la vie reste brutale. Regarde autour de toi, tu te bats ou on t'écrase. Gars, la dure loi de la jungle urbaine fait de toi l'acteur de mauvais film en noir et blanc sans fiction. Je pense mes plaies avec mes textes munis d'un stupéfiant. Je mène un combat ferme. Ouvre les yeux, le monde est sourd. Je pousse à bout. Les fous, les fans effectent, ça pue la merde. Mais je reste vrai, les pieds sur terre. Prêt à traverser l'enfer d'une vie amère. Armure de fer, cœur de feu. Je ne peux fermer les yeux. Pourquoi se battre? Pourquoi se battre? Je sors de mon parloir, dur de rester calme. Pourquoi se battre? Quand c'est moi qui en fais les frais, dur de rester cool. Pourquoi se battre? Quand c'est toi qui paye, mais quand c'est toi qui paye la casse, en vrai. Pourquoi se battre? Pourquoi se battre? Je sors de mon parloir, dur de rester calme. Pourquoi se battre? C'est moi qui en fais les frais, pas de regret pour nous. Pourquoi se battre? Tant que pour vous, nous serons que des pions, que des pions. Pourquoi se battre? Je reste au fond de mon parloir sans briser le miroir de mes déboires. J'explore trop tard le soir mon savoir afin d'avoir ne serait-ce qu'un espoir. Pour ne pas tomber dans le purgatoire d'une vie trop noire, je prends mes précautions dans cette affaire. Tout est amer dans ces galères, toutes ces commères te rendent vénère. Car le talent, tu juges plus sur la capacité à pouvoir écrire de bonnes rimes, mais sur l'aptitude à pouvoir descendre son voisin. Dégoûté, je veux goûter à cette violence qui te conduira au fond de ce couloir. Autour de moi, il n'y a plus rien à percevoir. Que de répertoire dans ces histoires trop noires, sans échappatoire. Pouvoir entrevoir et ne pas décevoir, telle est la question. À toutes ces réponses aléatoires, tout est contradictoire. Tout est contradictoire. Pourquoi se battre? Pourquoi se battre? Je sors de mon parloir, dur de rester calme. Pourquoi se battre? Quand c'est moi qui en fais les frais, dur de rester cool. Pourquoi se battre? Quand c'est toi qui paye, mais quand c'est toi qui paye la casse, refrain. Pourquoi se battre? Pourquoi se battre? Je sors de mon parloir, dur de rester calme. Pourquoi se battre? Quand c'est moi qui en fais les frais, pas de regret pour nous. Pourquoi se battre? Tant que pour vous, nous serons que des pions, que des pions. Pourquoi se battre? Pourquoi se battre? Je sors de mon parloir, dur de rester calme. Pourquoi se battre? Quand c'est toi qui paye, mais quand c'est toi qui paye la casse, refaire.